Oh yes, c'est le défunt Fab en ville. Tout le monde dans le T'es qui lance un bouquin shooter 2 piastres pendant 10 minutes! Ok, bon. Shooter Girl Jack dans le rôle. Ah, tu es ça, shooter? C'est seulement 15 casse le shooter. Ok, bonsoir, bienvenue au déménageur. Ah, mon nom est Mathieu Plante. Mon nom est Damon. Et son nom est Jack. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé de nom depuis tantôt ou l'autre émission d'avant. Bienvenue à notre gros party émission spéciale Les Déménageurs ce soir. Qu'est-ce qu'on va faire, Damon? On vous explique le concept. Ça s'appelle Les Déménageurs parce que ça déménage. On va mettre le bordel. On va mettre en même temps des tunes qui fitent avec ma tête, avec la tête de Matt. Puis là, ça va être comme... Ça fitera pas pantoute ensemble, mais c'est ça le concept. Ça fait des drôles d'enfants. Moi, je pensais que c'était parce que PS déménageait à Québec. L'université, dans la diversité, dans l'unicité, c'est comme full philosophique. Plein de mots qui riment en U. Ouh! Ouh! Ouh! Attends! T'as mangé trop Big Mac, toi. On s'ennuie tellement de PS en plus, nous autres. C'est pour ça, moi, je trouve que c'est subconsciemment, c'est pour ça. C'est comme... en sac dans le fond de PS. Hein. C'est ça. C'est cool. Hey, on va commencer par un de tes choix. Parce que c'est toi qui as eu l'idée du concept, t'es la meilleure. Ouais. Fait que là, c'est moi qui commence parce que je suis vraiment trop hop. Fait que. Okay. On dirait Monsieur Denis. Moi, hein. Dire d'avance c'est quoi qui va passer, comme ça vous allez pouvoir le savoir et vous allez pouvoir chanter en même temps parce que c'est quand même du finlandais, là, ça. Vous voulez chanter en même temps. Oui, ça s'appelle Verta Yalira et c'est Turmion Kutilut. En culculotte, quoi? Turmion Kutilut. Kutilut, en tout cas, n'en parle pas. Je prononce Kutilut. Bon, là, on partit la toune. Ben, elle s'en va, là. Elle est là, gars, on l'écoute. On arrête de parler, s'il te plaît. Ta gueule, Damon. ce que j'allais dire. Jamais d'aller chercher les films sur Internet. Ouais. Jamais. C'est pas correct. Demon, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Token of Time de NC Ferrum, un autre band encore de la Finlande. Est-ce que ça aurait pu? Finlandais, c'est de la Finlande? Ça semble, c'est finlandais. Il faudrait qu'on aille voir sur le site du Mephisto Show. Petit blog. MephistoShow.ca.gg. Ouais. Et la toune d'avant, c'était quoi? C'est toi qui l'as choisi? C'était Good Night de Hot Hot Heat de leur album Elevator. Wow. Et la première toune, c'était Tourmion Ketilet. C'était Verta Yalira. Ok, répète-moi ça maintenant. Tourmion Ketilet avec Verta Yalira. Tavana Ketilet, c'est ça? Ça, c'était très drôle. Ça m'a pris du temps avec la comprenne. Mais ça c'est... Okay. Tes groupes que t'as choisis à soir, ça vient comme tout des pays que tu peux dire crawl puis tout le monde comprend. Crawl. Avec un O, avec une barre dedans ou. Crawl. Je sais pas. Ça sonne finlandais. Ça sonne finlandais, effectivement. Faut pas que crawl, ça sonne finlandais? Non. Ok, c'est correct. Arrêtez de me regarder avec vos grands yeux. Là. Ok, donc, on est dans le spécial Les Déménageurs avec Damon et Mathieu Plante. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe les pièces qu'on aime. C'est comme... Ouais. On alterne. Devinez quelle toune correspond à qui. C'est vraiment difficile, là, tu sais. Le dilemme dans ma tête, c'est à qui ça appartient. Ouais. Là, on va être à mon tour. Ça va être mon tour dans quelques secondes. Ouais. Hein? Ça va être à mon tour? Oui, ça va être à ton tour. À mon tour, tu dis? Oui. Ok, c'est ce qu'on s'en va entendre. Okay. On s'en va entendre. Andy Partridge à Wonder Why the Wonder Falls, tout de suite à C'est Fou 89 FM, Les Déménageurs. Les Déménageurs, ouais. C'est la radio qui va vous permettre de mixer deux styles comme ça assez... C'est malade. We're bobbing along in our barrels. Some of us trip right over the edge. But there's one thing really mystifying. Got me laughing, now it's got me crying. All my life I won't be testifying till I know. I wonder, wonder why the wonder falls. I wonder why the wonder falls on me. I wonder, wonder why the wonder falls. With everything I touch and damage our head. Popping pills is really stupefying. Get you crawling when you could be flying. All my life I guess that I'll be dying just to know. I wonder, wonder why. I wonder why the wonder falls on me. I wonder, wonder why the wonder. This is Alan Freed, the old king of the Moondoggers, and it's time again for another of your favorite rock and roll sessions as you enjoy the Moondog Show. Ohio. Hey man, toi tu l'as. Ben, moi je t'ai tendu comme un pacha, j'ai le micro sur la bedaine, puis let's go. C'était vraiment. Hey non mais sérieusement, j'étais vraiment heureux de pouvoir faire jouer ça à la radio. Je veux dire, c'est magnifique de pouvoir faire jouer Cleveland Rocks de Heel Hunter ici dans le spécial Les Déménageurs. Eh oui. Et on avait entendu auparavant The Gorgeous avec Lake Ontario. C'est un petit band de chez nous, ça. OK, ben oui, c'est ça. Ouais. OK. Une nouveauté qu'on avait reçue et merci de nous l'avoir envoyée par ailleurs. Ben oui. Mm. On aime ça recevoir des affaires, nous autres. Ouais, on aime ça recevoir des affaires. Envoyez-moi plein de CD. Non. OK, donc oui. On va aller en pub. Hein? Parce que c'est même une émission spéciale. Qu'est-ce que tu veux? Quand même. Jackson. Oh. Oui, je l'avais dit, je faisais juste un petit. Je ne faisais que passer. Mais on pouvait espérer, tu sais. Ah oui, écoute, c'est bien de rêver, ça entretient les bon. Rêves. Merci de penser quand même, Jack, c'était vraiment. Qu'est-ce que tu as dit à la fin? J'ai dit, c'est bien de rêver, ça entretient le rêve. Ouais, entre autres, ça, c'est ça. Plein de belles choses. Ça détruit une réputation aussi, un truc. Ah ouais. Rêver, ça détruit une réputation. Non, genre ce que tu dis. Ah, ok. Ça va. En tout cas, je sais pas si tu fais ça. J'ai fait depuis longtemps. Moi, ma réputation, c'est bien, c'est comme trois, là. Hey, c'est moi qui l'ai inventé, ça, là. Ok. Donc, au retour, Damon, tu vas nous faire écouter plein d'autres belles choses. Oui, et on va vous présenter ça après la pause, justement. Wow, c'est donc bien dit. J'ai rien à dire de plus. Mais, avant d'écouter plein d'autres belles choses, on va en écouter une pas belle. La poune, ça c'est pas vrai. Au revoir Jack et vous à la maison, restez là les déménageurs, c'est-à-dire Damon et moi, on vient dessus. Après la publicité. Oh yeah! Wow. C'est la toune de la fin de l'ID, l'identification de la station, c'était la toune de Damon, ça c'est. Ouais, c'est ma toune, le Mr. Snowman, la version techno. Mr. Snowman, c'est ouais. Le okay. Je danse toujours là-dessus aussi. Fouf! Je peux t'imaginer là-dedans, ce serait pas cool. Ouais. En fait, de danser sur la musique de Noël, des fêtes, ça serait pas cool. Ouais, sauf que tu sais, là, on est comme rendu proche fin janvier. Sérieux? Que... Mmh. Ok. Mais les fêtes, c'est un petit peu fini. Est-ce qu'on passe au prochain bloc à la place de Niels? On passe au prochain bloc. On a eu des demandes spéciales pour notre émission qui vient juste d'être inventée. On c'est est même pas une émission officiellement, dans le fond. Ouais, on est comme là en stand-by, mais tu sais. Mais on va être en stand-by pas mal souvent, apparemment. On dirait, la semaine prochaine, on revient. Il déménageait en deuxième partie. Si on est parti, ça va être fort. Ouais. Mais bon, tout de suite, notre bloc. Donc c'est là, c'est une demande spéciale de Marie-André. Je te salue, Marie. Je te salue, Marie. Oh. On va entendre Rammstein avec Moscow. Ça commence maintenant. Je suis là. Tu parles de comme ça? Genre de même. Ma voix d'aigu, j'ai fait ça. T'es déménageur. by the sound of his head now. When I saw this short fat guy with a band between his toes, hey, I laughed so hard cause the man got down when it finally reached his toe. Rhythm, grace, and debonair for one man. No. And then he had the nerve to twiggle his left toe, but to his knee got a feeling in his head, y'all. Oh, come on, baby. A rubber band. Ouh, ça finit avec un petit rire, c'est drôle. On a fini avec Chisa et Frozen Queen. Et avant ça, on a entendu. Avant ça, c'était Detroit Spinners avec Rubber Band Man, une pièce que j'aime bien. Hein? Moi aussi, j'aime ben, bien. C'est ça, je me suis dit, on devrait faire, tu sais, peut-être la semaine prochaine, un déménageur comme deux blocs disco-punk. La semaine prochaine, je sais pas si je vais être prêt pour avoir de la musique des années 70, par exemple. On verra. C'est pour dire qu'on a commencé le bloc avec... Avec Moscow, de Rammstein, une demande spéciale qui nous avait été faite. Rammstein! Et on est en train de mettre les liens et les artistes et les pièces sur le forum de Sifu en ce moment même. Pas forcément les liens, mais juste non, les titres et les artistes. Je suis tellement habitué de mettre les liens pour mes autres émissions. Non, mais c'est parce que là, c'est pas des liens. C'est pas des liens, c'est des noms et des pièces. C'est sur sifu.ca/forum, cliquez sur musique en général. Parce que si on pense seulement d'affaires différentes, je pouvais pas le mettre dans alternatif ni dans vrai. Métal. Hey, on va pouvoir être dans musique en général. Il n'y a rien dans musique en général. Il va y avoir nous maintenant. Si vous voulez écrire un message à notre merveilleuse émission, mettez les déménageurs comme titre parce que ce qui n'a pas encore été créé. On agit vraiment comme si on était une vraie émission, disons, hein, c'est pas vrai? C'est ça. On n'est pas une émission encore. C'est comme les déménageurs, ils peuvent être n'importe quand. Ben, ils peuvent se sont flexibles, les déménageurs. Ouais. T'es appels, puis ils viennent quand t'es appels, ou bien ils disent entre 9 et 5 un jour. Comme quand j'ai cours, on va venir. Non, c'est entre 8 et 5. Faut que tu lèves de bonheur pour ça. C'est ça. Donc, c'est mon tour. Ouais, c'est ton tour. C'est mon tour. Oui. Dis-moi non, ça, c'est qu'est-ce que j'ai préparé comme pièce? C'est toi qui dois la choisir. Improvisation totale. Ta-da-da-da. Non, je sais d'avance. Ouais. On va écouter Cake. Cake. Ah, gâteau. Ben oui, avec gâteau, avec la pièce Perhaps. Peut-être, gâteau. Exactement. Je vais vous expliquer le concept de mes tunes. Je sais pas pour toi. Toi, t'en as parlé un petit peu tantôt de où tu prends tes pièces. Ben, je t'en ai parlé à toi, mais je n'ai pas parlé vraiment. Il y a ça, y a, en même temps, mais partage la bonne nouvelle. Je vais partager la bonne nouvelle. Les bandes que je vais passer dans cette merveilleuse émission, il y a quelques tunes que je passe déjà dans mon bloc folk metal au Mephisto Show. Mephisto Show, les vendredis soirs avec Tina. Et aussi les autres tunes qu'on ne peut pas vraiment passer dans Mephisto Show parce que ça ne fait pas avec le style de l'émission. Mais là, on va pouvoir les passer aux déménageurs parce qu'il n'y a pas de style. C'est ça qui est merveilleux. T'sais? Donc, il y a des petits, c'est pas des petits bands, c'est des grands bands de chez nous. Puis, ils rentrent en contact avec moi par l'entrebuis de nombreux sites internet et puis ils me font écouter de leurs pièces. C'est le même que je connais puis que je peux vous les faire partager. Merveilleux! C'est fantastique. Ben, moi, donc, de mon côté, même j'encourage les groupes à m'envoyer leurs démos et autres. On aime ça. Leurs albums, leurs t-shirts, tout ça. T'aimes le stock promotionnel. Tu veux te faire gâter, c'est ça? Non, on peut gâter les auditeurs. On les gâte. C'est vrai qu'on les gâte. D'ailleurs, on les gâte avec Cake dans quelques secondes. Et moi, je vous expliquerai où je trouve ma musique plus tard. T'sais, on a assez parlé. Cake, perhaps. Ici même. Au déménageur. Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over. You can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps.

you had to get caught. That's not like you to lose face. So sad that you're not as smart as you thought you were in the first place. Vous écoutez les déménageurs. C'est fou, 89.1 FM. Franchement. Ah, encore Damon qui danse. Et oui. C'est beau à voir. Je suis vraiment trop dedans. Oh yeah. Ouais, puis on a entendu quoi, le bloc d'avant? T'as pas présenté tes tunes? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De ma part, on avait entendu Cake, Dog and the Slugs, avec Too Bad. Oui, et oui, avant, on a entendu Mega Hertz avec Flash for Fantasy. Flash for Fantasy, FFF. Ouais, FFF. C'est et bon, on a commencé avec Gâteau. Avec, là, c'était Cake. Oui. Avec Perhaps, Perhaps, Perhaps. Oui, très hein? Bien. Oh. C'était bon, ça aussi. C'était tout. C'est une bonne émission, là. Ouais, à date, là. Vraiment, on... là, je pense que, tu sais. On bat des records de. Ça, le monde, ils peuvent zapper là, pendant un site qu'ils n'aiment pas. C'est ça. Ils peuvent rester juste pour tes tunes puis partir pour les miennes. Inversement. Inversement proportionnel. Oui. C'est une émission pour tout le monde. Puis je pense qu'à date, c'est la meilleure émission des déménageurs qu'on a faite à date. Je dis ça de même, là. C'est vraiment la meilleure. La meilleure. Non, sérieusement, émission spéciale ce soir. Exactement. Parce que Jack est pas là. Donc, non, on fait une émission spéciale des déménageurs. Puis c'est quoi les déménageurs? C'est Damon et Mathieu Plante, là, qui ont pas la shape pour être déménageurs, mais qu'on réussit à déménager pas mal d'affaires pareil. Loin de là, je pense. Loin de là. Et oui. Et nous allons écouter The Offspring avec Black Ball. C'est ma tune préférée de Offspring. Fait que là, tu sais, genre, je peux pas la passer, mais c'est chaud. Fait que là, j'ai dit, je vais la passer là. On a tout un petit côté, tu sais, rebelle. C'est ça. C'est comme quand j'avais 14 ans, je trippais là-dessus. Et mon pas non, c'est pas emo, c'est pas punk emo. Rock. C'est comme, okay, on était semi-rebelle. T'as-tu une phase emo à quelque part là-dedans? T'as-tu de m'insulter? Non, mais j'essaie d'être curieux comme ça. Non, jamais. Non, ça m'est jamais arrivé, vraiment. Non? Et ça ne m'arrivera jamais. Ok, parfait. Je te fais confiance là-dessus. Tu me fais confiance? Ouais. On se fait confiance. On se fait confiance? On sort de la toune. On déménage. On déménage. Ah, c'est fou, 89 FM. Ben, on est déjà là, fait qu'on déménage pas. Ah, c'est fou non plus. On a compris. What up? Je sais que c'est moi. C'est toi? Oui, c'est toi. Moi. Ok, c'est toi. C'est moi. Oh, tu me donnes une petite trame de fond, c'est cute. Il y a toujours une trame de fond ici. Oui, mais c'est parce que d'habitude, d'habitude on entend plus fort cette trame de fond. On vient d'entendre Devil in the Kitchen avec Trey Eat Meat. Ok, ça va. Et la traduction que tu as trouvée tantôt? Oui, plateau mange de la viande. C'est exact. Et ensuite, auparavant, on a entendu une autre tune qui était. C'était, oui, hey, je m'excuse, je suis en train de tout oublier ce que je passe. C'était Johnny Sizzle avec I'm a Nerd. I'm a Emo, c'est ça que tu voulais non. dire, dans le fond. Oui, oui. Je suis pas le gars de Musique Plus avec ses cheveux. c'est tout ce que je remarque, c'est après, ses cheveux. Après, comme il ressemblait, il manque juste l'aplatisseur et le gel. Ouais, c'est ça, ça serait peut-être plus beau d'ailleurs avec ça. Ouais. On va essayer ça. On va essayer de relooker Matt pour la semaine prochaine, pour le prochain déménageur. Tant qu'à faire des nouvelles émissions qui n'ont pas rapport, qui sont comme remplacement, là, on pourrait faire un nouveau reality show. Relooker Mathieu. Relooker Mathieu, puis on va mettre une webcam dans le studio. Puis... J'aime ça. Ah, ça j'aime ça. Enfin bon. On a commencé le bloc avec The Offspring, avec Black Ball, ma tune préférée d'Offspring, pour un petit flashback dans ma jeunesse délinquante. Flashback! Ouais! Donc là, on est rendu à une demande spéciale. Oui, une demande spéciale. Bib, qui est venu nous voir tantôt. Bib. Il veut les habits gradationnistes. Il voulait pâté chinois, mais désolé, nous n'avons pas le courage d'aller pour le chercher. On est paresseux pour aller chercher. Donc, on va passer comme le hit de ces fous des habits gradationnistes, qui était Flux Optique. Mais qui déjà? Abdi gradationniste. Abdi gradationniste. Flux optique. Ouais, ça commence maintenant. Déménageur. Ça déménage. Ouais, c'est 89 ans.

Vous écoutez les Déménageurs. Ah, c'est fou, 89,1 FM. They shot a movie once in my hometown. Everybody was in it for miles around. Out at the speedway, some kind of heaviest thing. Well, I ain't no movie star, but I can get behind anything. Yeah, I can get behind anything. Get it out, get it all out. Yeah, stretch that thing. Make it last, make it last. Leash to the shop of beverage. Pas une autune. Vous écoutez les Déménageurs à CIFU 89.1 FM. Avec nous-mêmes. Toi, là. Puis moi, là. Et qu'est-ce que tu nous as fait écouter? Moi, on a terminé par une toune de Tragic Leap. Je dois me confesser et expliquer ma façon de choisir les tounes dans cette émission-ci, ok? Oui, quand même, s'il vous plaît. Oui, parce que je veux pas nuire à ma réputation qui est déjà, tu sais, très, très basse. Non, c'est ça. Donc, comment je choisis mes tunes? C'est que la plupart du temps, même que je dirais dans 98,6% du temps, si on veut à peu près mathématiquement correctement, okay. C'est des tunes qui viennent soit d'une émission de télé, d'un film, d'une émission de radio, via un site web des fois, différents liens mènent vers ces chansons-là. Et celle-là, c'était la chanson thème d'une émission qui s'appelait Made in Canada, qui était sur CBC. Et c'est juste de là que ça vient, c'est la tune thème de cette émission-là. Avant ça, on a entendu... C'était une autre tune de toi-même aussi. Oui, ça, c'était une chanson thème que j'ai pris, bidon, c'est la tune de l'émission Good Morning Miami. Merci de me ramener à l'ordre. Et check bien le nom du gars, John Rzeznik. Avec Once in a Lifetime. Mais avant ça, c'était un de tes choix. Oui, c'était Korn avec God the Life. Maïs, ben oui. Ben oui, quand même. Maïs. Et après, c'était une autre tune de toi. Ben oui, c'était comme, c'est quoi l'affaire? Avant ça, c'était Laszlo Bane avec Superman, qui elle aussi, je l'ai pas précisé depuis le début de l'émission, mais chaque tune que j'ai choisie était presque une émission de télé. Donc celle-là, c'était la pièce thème de l'émission Scrubs. To Beeb or Not To Beeb en français. Ouf. Et que j'adore les émissions traduites en français, mais bon. Moi, je regarde pas la télé, ça se voit. Première toune qui a commencé ce bloc, c'était une demande spéciale qui n'est pas vraiment une demande spéciale. En tout cas, les abdis gradationnistes avec plus optique. Parce qu'on n'avait pas la pièce qui demandait. Exactement. On a choisi le même artiste. Désolé, Bib. Ah, désolé, To Beeb or Not To Beeb. Ah, ça, c'était drôle. Non. Prochain bloc, nous allons entendre Shaman, qui fait partie maintenant de la formation, s'appelle Koflani. Ça va s'appeler Orbina. Ça va s'appeler le même? Oui, ça va s'appeler le même. Ben, on va checker si ça s'appelle encore de même en l'appartement, OK? OK, pas de problème. Super. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo CF 89.1. Ça déménage. Les déménageurs. Ouais, un petit peu raté, mais quand même. Je savais que j'allais faire rire de moi dans cette émission-là. Oui, je m'y attendais, c'était un risque à courir, je pense. Ouais, hein? C'est à cause de tes cheveux. On peut pas t'en vouloir. Ça augmente pas ma crédibilité, vraiment, ça. Non, ça la diminue. Va chez le coiffeur, par pitié. Déjà qu'il n'y a pas grand-chose à diminuer. Donc. Enfin bon. Mais quel niveau du mot incroyable. On vient d'entendre My Friend Steve avec Charmed et bloc thématique, là, juste avant, c'était Steve Bertrand. Hein, c'est bien ça? Hein, Steve Bertrand avec AUSC. Ouais, mais il restait une toune, mais c'est pas grave. C'était comme oublié. T'es-tu sérieuse? Oui. Ok, ben ok. Il restait pas, ok. C'est bon, pas grave, là. C'est pas grave. Non, on va dire ça dans l'autre bloc. Bon, faut bien, je vais mettre ma ligne ailleurs, là. De toute façon, moi, ouais, ben change tes lignes de place. De toute façon, ma toune de 30 secondes pouvait, mettons, compter comme une toune, si on veut. Ok, hein? Ah, ok, tu me donnes une toune supplémentaire. C'est comme il nous... Ouais, ben je suis gentil de même, moi. C'est connu, hein? Ouais, il nous reste 8 minutes avant la fin des déménageurs de ce soir. 8 minutes? Bon, on va avoir le temps pour ma toune, puis après une toune pour aller vers le Mephisto Show. Je vais sacrifier mes tounes à moi. Je vais garder la semaine prochaine. La semaine prochaine, t'auras le temps. Ah, ça va être bon. Je ferai exprès d'arriver en retard. Je te vois, ça veut dire qu'il faut que j'anime les palmarès tout seul encore la semaine prochaine aussi. Il va y avoir encore une longue chronique de cinéma qui va durer comme 20 minutes. Ça va être génial. Oh, je vais peut-être finir finalement. Tu pourrais si tu veux. Enfin bon, donc on s'en va en musique avec ton choix maintenant. Mon choix qui est Prodigy avec Firestarter. Firestarter. On s'en va dans le techno. Dans le tartare. Dans le techno. Il commence à être tartare. Oui, il commence à être tartare. Et on start-tarte ça. Okay. C'est ça. Trois jeux de mots dans une phrase pour ouf, le faire. Ouf, les déménageurs, ça déménage. Ouf. Tous poches, mais trois pareils. Ça compte? Ok, correct. On part ça comme ça? Ok. Ok. Ok. On part pas. Ça commence lentement. Veux-tu okay. bien? J'aime ça animer avec toi des mains. Moi aussi j'aime ça parce que genre on parle tout le temps. Attends. Je suis même pas sûr, je pense que ça j'étais en train de mettre The Darkness. Ça se peut-tu? J'étais en train de mettre The Darkness. T'as ouais, ça? Ben voilà! Oh yeah! ça, ça déménage. Hey, hey, d'où le nom. Encore un jeu de mots. Aussi proche que les miens, d'ailleurs. Oui. Merci. On a entendu Prodigy avec Firestarter. C'était le dernier semi-bloc, parce que c'est une pièce, ouais, donc pas vraiment un bloc. Ouais. Mais la semaine prochaine, t'auras le droit à plus de présence. Parce que là, cette semaine, j'ai pris tout le crédit de... Mais c'est ton concept, Damon. C'est ça, c'est mon concept, c'est mon invention, c'est mon bébé, c'est comme... Ton bébé, il est donc cute. Donc, vous avez entendu les meilleures pièces que Damon et moi aimons. Oui, c'était bien de le mettre en premier. Comme... C'est ça, ben oui. Des pièces qui font pas nécessairement l'unanimité ici en studio. Mais de toute façon, ça fait jamais l'unanimité, même parmi nos auditeurs. Et justement, c'est pas grave. Il y a de tout pour tous les goûts, sauf le R&B et pop, là, excusez-nous. Mais en tout cas, ça passera pas. T'as raison. On va terminer sur une pièce de demande spéciale. Mais avant, allons rejoindre les gens du Mephisto Show, voir ce qui se passe dans leur émission ce soir. Mephisto du Mephisto Show et Damon du Mephisto Show sont justement avec moi en studio. Bonjour, Damon. Bonjour. Salut, Mathieu. Salut, Mephisto, ça va bien? Yes. Damon, j'espère que t'as bien scrappé l'émission. Ah, j'ai bien scrappé l'émission. Ouais, parfait. Génial. Donc, inquiète-toi pas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez vous, donc, ce soir? Ben, ce soir, on a plein de bonnes tunes. Ça va commencer assez rough. Donc, un bloc qui a été concocté par notre auditeur, John Sapper. Yes, man out of your ass. Donc, il va headbanger chez lui. En France, il l'appelle John Dinner parce que, tu sais, on connaît la différence de repas. En fait. Non, mais je vais arrêter mes jokes plates. De toute façon, on va dépasser l'heure bientôt. Je sais, Non, mais si tu t'es pas payé à CFOI, tu peux t'inscrire à l'École nationale. Merci. Je vais répéter mes blagues sur les cannes de sueur. À un moment donné, ça va commencer à faire dur. Ou je te suggérais acteur de films porno, c'est une job payante. Toujours. De toute façon, t'as la coupe de cheveux beau. Okay. Non, mais tu fais l'amour avec plein de belles filles avec des bas. Régulièrement. Des bas bruns, d'ailleurs. Ok, donc, sérieusement, on manque de temps à tout le monde. Il nous reste 30 secondes. Donc, merci, Damon. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. On a appris ça tantôt, puis ça nous fait bien plaisir. C'est vrai, Jack sera pas là la semaine prochaine. Moi, je vais être là tout seul pour les palmarès. Peut-être que Damon va me joindre. Mais de toute façon, sérieusement, il reste 15 secondes. Donc, c'est terminé. Merci. À tous. Merci à tous, et puis moi je vous retrouve tantôt dans 5 minutes. À tantôt. C'était les déménageurs. Bonne soirée, bonne chance. Ah, c'est fou. C'est fou, 89. Oh, man, man,